J'écrivais une chanson pour une qui a déjà le cœur en chant. C'est plus dur qu'un séjour en lune, plus rare que de se lever tôt. Mais c'est quand même joli de voir d'écrire sans avoir à nous dire que ton cœur on l'entend le soir devenir doucement un rire. C'est pas de la drague, pas de la souffrance de reproducteur obligé. C'est pas pour dire que j'ai pas de chance, c'est pas des larmes. C'est même un sourire en visage de cœur tout gros inoccupé. Un merci bronzé comme la plage, un soleil quand c'est pas l'été. C'est moins bizarre qu'inquiétant d'être passé par mon chemin, d'avoir rencontré que du vent froid gonflé par l'embrun. Ces mots de moi qui t'appartiennent t'ont fait sourire, je le sens bien, mais faut pas que tu te retiennes sans ces sourires. Ces sourires.